La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, votre après-midi se poursuit sur France Culture avec la compagnie des auteurs. Nous parlons cette semaine du grand Gustave Flaubert avec au générique Les Indispensables, Didier Pinault, Laurence Millet, Tiphaine Malfette, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal et Emmanuel Morse-Duncan. Gustave Flaubert, l'homme de l'art pour l'art et du roman pur, celui qui criait arrière-guenille quand on lui parlait de biographie. Cet homme, dont nous avons raconté pourtant la vie lundi dernier, c'était avec Pierre-Marc de Biasi, de son rapport aux femmes à sa maladie nerveuse, en passant par ses origines familiales. Il y a tout de même des choses à dire sur cette vie-là, si vous voulez vous en convaincre, l'épisode est disponible en podcast. Et puis hier, Gisèle Séjinger est revenue sur plusieurs aspects de la littérature de Flaubert, et notamment son rapport à l'histoire, l'histoire en train de se faire à son époque, mais également celle des confins de notre ère qu'il a raconté dans Salammbô. Enfin demain, nous passerons au scalpel d'Yvan Leclerc, ses romans Madame Bovary, puis Bouvard et Pécuchet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'éducation sentimentale et aussi de ce qu'on y apprend du point de vue de Flaubert sur la religion, nous sommes en votre compagnie. Pierre Glaude, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste de la littérature du 19e siècle, auteur de l'essai Léon Blois, La littérature et la Bible aux éditions des Belles Lettres en 2017. Et puis on vous connaît évidemment à la compagnie des auteurs pour votre travail sur les œuvres complètes de Huysmans chez Classic Garnier, dont vous étiez venu nous parler. C'était il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, eh bien, c'est de Flaubert qu'il va s'agir, et plus particulièrement donc de l'éducation sentimentale, puisque vous avez publié avec Éléonore Reversi aux éditions Classique Garnier toujours le livre collectif Relire l'éducation sentimentale. C'était à l'occasion du programme d'agrégation 2008 qui a marqué le retour de ce livre dans les cartables. Alors c'est un livre qui a longtemps été oublié des programmes et le voilà de retour. On va donc relire à nouveau frais l'éducation sentimentale, comme vous l'avez fait dans cet ouvrage collectif. Relire ce livre, c'est justement ce qu'a fait Guillaume Gallienne, du moins quelques extraits. On en écoute un. Reguimbard portait une espèce de longue boîte à violon, spéciale pour ce genre d'aventure. On échangea froidement un salut. Puis tous s'enfoncèrent dans le bois de Boulogne, par la route de Madrid, afin d'y trouver une place convenable. Frédéric jeta son cigare qui le gênait et continua d'un pied ferme. Le vicomte avançait par derrière, appuyé sur le bras de ses deux témoins. Sisy se rappelait les jours heureux où, monté sur son alezan et le lorgnon dans l'œil, il chevauchait à la portière des calèches. Ses souvenirs renforçaient son angoisse. Une soif intolérable le brûlait. La susurration des mouches se confondait avec le battement de ses artères. Ses pieds enfonçaient dans le sable. Il lui semblait qu'il était en train de marcher depuis un temps infini. L'endroit fut choisi de manière à répartir également le niveau du terrain. On marqua les deux places où les adversaires devaient se poser. Puis Reguimbard ouvrit sa boîte. Elle contenait sur un capitonnage de basane rouge quatre épées charmantes, creuses au milieu, avec des poignées garnies de filigranes. Un rayon lumineux traversant les feuilles tomba dessus, et elles apparurent à Sisy briller comme des vipères d'argent sur une mare de sang. Le citoyen fit voir qu'elles étaient de longueur pareille. Il prit la troisième pour lui-même afin de séparer les combattants en cas de besoin. Monsieur de Caumois tenait une canne. Il y eut un silence. On se regarda. Toutes les figures avaient quelque chose d'effaré ou de cruel. Frédéric mit à bas sa redingote et son gilet. Caumois aida Sisy à faire de même. Sa cravate étant retirée, on aperçut à son cou une médaille bénie, Cela fit sourire de pitié Roguimbard. Alors, M. de Comoin, pour laisser à Frédéric encore un moment de réflexion, tâcha d'élever des chicanes. Il réclama le droit de mettre un gant, celui de choisir l'épée de son adversaire avec la main gauche. Roguimbard, qui était pressé, ne s'y refusa pas. Enfin, le baron, s'adressant à Frédéric, « Tout dépend de vous, monsieur. Il n'y a jamais de déshonneur à reconnaître ses fautes. » Le citoyen s'indigna. « Croyez-vous que nous sommes ici pour plumer les canards, fichtre ? En garde !» Les adversaires étaient l'un devant l'autre, leurs témoins de chaque côté. Il cria le signal. « Allons !» Sizi devint effroyablement pâle. Sa lame tremblait par le bout comme une cravache. Sa tête se renversait, ses bras s'écartèrent. Il tomba sur le dos, évanoui. S'en rend compte, Pierre Glaude, avec cet extrait, il y a de l'ironie, si ce n'est de l'humour, dans ce roman L'éducation sentimentale, comme par exemple ici avec le personnage du noble Sizi, qui manque totalement de courage, ce qui n'est pas une attitude très noble. C'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu à la sortie du livre. Les critiques n'avaient peut-être pas saisi cet humour-là. Les critiques, en tout cas, avaient bien saisi l'un des enjeux généraux du roman, que cette scène illustre parfaitement, qui est la faillite du romanesque. Flaubert, dans L'éducation sentimentale, s'est ingénié à jouer avec les lieux communs du grand roman traditionnel, et on en a une illustration dans le texte qui vient d'être si bien lu par Guillaume Gallienne, sur la scène du duel. En quoi de plus romanesque qu'un duel, hein, des hommes risquent leur vie dans cette affaire. Or, à l'image du roman tout entier, ce duel ne va déboucher sur rien. La montagne va accoucher d'une souris. Et évidemment, il y a là forcément, dans l'ironisation d'un motif noble, le motif du duel, il y a là un procédé qui pourrait être étendu à l'œuvre tout entière. Parce que ce qui a frappé, pour revenir à votre question, les lecteurs de l'œuvre quand elle est parue, et qui explique en partie son insuccès, c'est précisément que c'est une œuvre où il semble ne rien se passer de saillant. Donc c'est un livre sur le rien, on a été déçu qu'il n'y ait rien, mais on n'a pas vu que c'était ça le sujet du livre, ou alors on l'a vu et on a considéré que ça n'était pas intéressant comme sujet. Alors c'est plutôt ça, parce que on a bien vu que c'était un livre sur rien. Et c'est le reproche d'ailleurs que les critiques qui ne comprennent pas ce livre adressent à Flaubert. C'est le reproche de la platitude. Mmh. C'est un livre plat. C'est un livre ennuyeux, c'est un livre fondé sur l'avortement de toute chose, et en particulier de l'extraordinaire, c'est-à-dire la définition du romanesque des grandes actions et des grands sentiments. L'éducation sentimentale, c'est précisément la faillite de ce romanesque. Et le public l'a bien vu, mais il y a vu une faiblesse, un défaut. Mmh. Il faudra attendre, enfin, le public, la critique, il ne faudrait pas généraliser. Il y a un homme, et je dirais son groupe littéraire, qui ont bien vu que cette faiblesse était une force et une nouveauté, une sorte d'innovation romanesque, c'est Zola. Ouais. Hein, Zola écrit deux articles sur l'éducation sentimentale, un à la sortie en 1869, un autre lors de la réédition chez Charpentier de l'ouvrage 10 ans plus tard, et à chaque fois, il montre que ce que précisément on considère comme une faiblesse est la force de ce livre. Alors il a cette expression tout de même qu'on pourrait trouver ambiguë, mais qui ne l'est pas. Il dit que ce livre ne représente rien que des figures de passants se bousculant sur un trottoir. Oui, c'est une formule très intéressante. Et là encore, elle touche à un point très intéressant du roman, qu'il invente un lieu romanesque nouveau, qui illustre fort bien votre citation, qui est la rue. Mmh. un de mes collègues, Philippe Dufour, a parlé, dans un langage un peu technique, de chronotope de la modernité. Un espace-temps, un lieu qui est à la fois aussi saisi dans sa temporalité et qui est un lieu romanesque nouveau qui est la rue. Beaucoup de choses se passent dans la rue. Bien sûr, la révolution de 1848, révolution urbaine, s'étale dans les rues de Paris. Mais aussi, l'éducation sentimentale est un roman de la coïncidence où les personnages se retrouvent très souvent dans la rue, se rencontrent, se quittent, se retrouvent, de sorte que les choses s'enchaînent par des liens faibles, au gré du hasard. Et la rue, c'est précisément le lieu de tous les hasards et de toutes les rencontres. Ce qui est un mode de création romanesque nouveau pour Flaubert. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que Flaubert remet en cause le romanesque traditionnel. Il fait un roman qui n'a pas l'air de ressembler à un roman, qui n'en a pas un certain nombre de codes, et notamment l'héroïsme, par exemple. Mais dans le même temps, il ne parle que de ce que l'idée de fiction fait au quotidien à ces personnages. Donc tout tourne en réalité autour de ce renouveau de la notion de fiction, Pierre Glaude. Oui, tout à fait. Flaubert et Proust l'avaient bien vu dans l'article qu'il consacre en 1920 au style de Flaubert, et où il aborde de loin en loin l'éducation sentimentale. Ce qui est nouveau chez Flaubert, et précisément dans ce roman, c'est que l'action s'intériorise. C'est-à-dire que ce qui devient l'objet d'attention du roman, ce sont les impressions, ce sont les perceptions subjectives, c'est la façon dont le monde est saisi au cœur d'une conscience et dont cette saisie est médiatisée par les sens. Autrement dit, tout le monde des perceptions, tout ce qui est infraverbal, tout ce qui est l'univers très complexe de la sensation prend chez Proust une importance fondamentale. Je dirais même qu'il y a une sorte de renversement par rapport à l'un des lieux de réalisation traditionnelle du romanesque, qui est le discours. On sait bien que chez Flaubert, le discours est le lieu de concentration des lieux communs, et que les lieux communs sont, d'une certaine manière, une démonétisation de la langue. Mais on peut se demander si précisément cette démonétisation de la langue n'opère pas au bénéfice d'une valorisation de cette chose très énigmatique qu'est le monde des sensations et des perceptions. Alors ça, c'est finalement le cœur de l'éducation sentimentale, mais il y a aussi une histoire à l'éducation sentimentale. C'est l'histoire d'un jeune homme, Frédéric Moreau, qui va peu à peu perdre ses illusions. Il y a une intrigue qui s'étend sur 26 années, de 1840 à 1867. Et il y a cette idée que Flaubert fait l'histoire morale d'une génération. C'est ça aussi son projet, raconter l'état d'esprit d'une génération. Oui, c'est l'originalité du livre. C'est, comme c'est un livre sur rien, il faut arriver à écrire un livre aussi long, qui s'étale sur une telle durée, en réussissant à faire en sorte que rien ne prenne. Et Flaubert, et c'est là sans doute son génie, hein, a trouvé toute une série de procédés pour arriver à développer son roman sans que véritablement il ne fasse événement. Donc pour faire le contraire de ce que tous les romanciers Absolument. Cherchent à faire et n'arrivent souvent pas à faire. Et pour cela, il a multiplié les intrigues. Il y en a trois. Hein. Vous avez l'intrigue sentimentale, celle dont Frédéric et Madame Arnoux sont les deux figures centrales. Mais là encore, Flaubert démultiplie les figures féminines. Parce que Madame Arnoux est en rivalité avec Rosanette, la courtisane, mais aussi avec Madame d'Ambreuse, la femme d'un riche banquier, et également avec Louise Roque, hein, la fille d'un des voisins de la mère de Frédéric à Nogent. Donc l'intrigue sentimentale bourgeonne, si je puis dire. Mais à côté de cette intrigue sentimentale, vous avez une intrigue amicale, hein, qui est la relation que Frédéric entretient avec Deslauriers, et qui a un arrière-plan très balzacien. Hein, le modèle, c'est un peu le modèle des illusions perdues, hein, du cénacle de d'Arthez, et aussi peut-être des relations de Lucien de Rubempré et de Vautrin. Par ailleurs, il y a aussi l'histoire d'une génération, comme vous le disiez, qui est l'histoire de la génération de 1848. Et il y a peut-être un arrière-fond sociologique. Je voudrais qu'on écoute ce que Pierre Bourdieu disait justement à ce sujet dans une archive de 1992. Pour moi, l'inventeur de la sociologie, enfin le plus sociologue des romanciers, c'est Flaubert, ce qui surprend souvent, puisque c'est en même temps l'inventeur du roman formel, etc. Et il y a eu, à mon avis à tort, un effort en particulier des romanciers du nouveau roman et de leur critique, enfin bon, pour à partir de la fameuse phrase un livre, le livre sur rien, etc., pour constituer Flaubert comme inventeur du roman pur, du roman formel sans objet, etc. Bon, bien, en réalité, Flaubert est le plus réaliste sociologiquement de tous les romanciers, en particulier dans l'éducation sentimentale, et en particulier parce qu'il est formel. Alors on pourrait dire exactement la même chose de Manet, dont les recherches formelles étaient en même temps des recherches de réalisme. Et l'antinomie entre formalisme et réalisme, c'est encore une de ces antinomies stupides, c'est à partir de recherches formelles que, et alors là ça poserait un problème tout à fait compliqué sur lequel j'ose à peine m'aventurer, mais après tout, ça au moins ça surprendra par rapport à ce que je dis d'habitude. Je pense que le travail de recherche formelle dans le cas de Flaubert a été l'occasion d'une sorte d'anamnèse sociale, j'emploie le mot délibérément de la psychanalyse, de retour du refoulé social, et Flaubert a, à la faveur d'une recherche purement formelle, enfin d'un roman pur, d'un roman qui ne soit pas simplement le raconter une histoire, bon, il a fait un travail qui d'ailleurs lui coûtait 1000 morts. Enfin bon, il faut lire la correspondance. Enfin bon, un travail qui consistait à expectorer, j'allais dire, bon, sa propre expérience du monde social et à faire une objectivation de la classe dominante finalement de son temps, bon, qui rivalise avec les plus belles analyses historiques. Compagnie des auteurs sur France Culture. Vous êtes d'accord, Pierre Glaude, avec ce Flaubert sociologue que nous décrit ici Pierre Bourdieu ? En partie, oui, mais en partie seulement, parce qu'il me semble que dans le document que vous avez fait entendre, il y a, dans ce que dit Pierre Bourdieu, un ensemble d'inférences qui sont problématiques. De glisser du réalisme de Flaubert à l'invention d'une sociologie, il y a un gouffre, à mon avis. Surtout que le terme de réalisme pour Flaubert est quand même problématique aussi. Tout à fait. Et d'autre part, glisser de la sociologie à l'histoire et à la posture de l'historien, c'est encore un autre saut théorique et méthodologique que, pour ma part, je ne ferai pas si facilement. Mmh. Alors, il est vrai que Flaubert a écrit avec l'éducation sentimentale un grand roman historique qui est d'ailleurs très nouveau dans sa construction de l'histoire, dans la mesure où on y chercherait en vain, contrairement à ce que font nombre de romans historiques, une leçon qui serait une sorte de récapitulation du sens. C'est pas le récit historique, justement. Voilà, ça n'est pas un récit historique qui converge facilement vers un sens de l'histoire. Au contraire, Flaubert multiplie les efforts de désymbolisation de la matière historique. Mais peut-être qu'il arrive à capter, sans en faire le récit, un certain nombre d'évolutions, et en particulier, par exemple, la place de la religion. Vous avez consacré un article à ce sujet dans le volume « Relire l'éducation sentimentale », et vous expliquez qu'il pointe la sécularisation à l'œuvre dans la société de son temps. Oui, Flaubert, à la fois, sent bien, il est bien l'historien de son temps, et il a bien vu le phénomène de la sécularisation et il le traite avec beaucoup d'ironie. Par exemple, l'enterrement de D'Ambreuse, D'Ambreuse qui représente les milieux bien pensants où dans lesquels on se targue d'être catholique, et on s'aperçoit que les personnes qui assistent à son enterrement ne connaissent pas un traître mot de la liturgie. Oui. Le narrateur dit, et pardonnez-moi, à part quelques-uns, l'ignorance religieuse de tous était si profonde que le maître de cérémonie, de temps à autre, leur faisait signe de se lever, de s'agenouiller, de se rasseoir. C'est voilà. Et évidemment, il y a là une sorte d'ironie, hein, de Flaubert, de mettre en contradiction ces prétendus catholiques avec eux-mêmes, qui ne semblent plus croire à la religion. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'il dit dans le dictionnaire des idées reçues, hein. De religion, point trop n'en faut. Il en faut juste assez pour que, elles servent de ciment social et qu'elles permettent d'éduquer le peuple, qu'elles soient sans doute aussi un apprentissage de la résignation. Donc Flaubert a bien vu tout cela, mais ce qu'il a bien vu aussi, de manière plus subtile, c'est que dans ce siècle où le mouvement de la sécularisation est un mouvement de fond, il y a un retour du religieux extrêmement vif en 1848. La révolution de 48, contrairement à celle de 1830, qui avait été profondément anticléricale, en réaction à la restauration, la révolution de 48, donc, est une révolution religieuse. Mmh. Hein, enfin, pas officiellement religieuse, mais il y voit tous les signes de la religiosité. Oui, c'est-à-dire qu'il transpose, et c'est bien là le problème pour Flaubert, qu'il transpose l'esprit même du religieux sur le terrain du politique. Ne serait-ce, par exemple, qu'en récupérant une idée chrétienne, qui est l'idée de fraternité, et en faisant une idée révolutionnaire. Mmh. On va peut-être revenir sur le rapport, justement, entre religion et politique, dans l'esprit, en tous les cas, de Flaubert. Mais Flaubert lui-même, comment se positionnait-il par rapport à la religion? C'est un athée, mais en même temps, pas tout à fait. Il aime peut-être le décorum l'Église. Peut-être que, comme son personnage aussi de l'éducation sentimentale, pour lui, l'office est un spectacle auquel il aime se rendre. Qu'en pensez-vous, Pierre Glaude? C'est un sujet assez complexe que celui du rapport de Flaubert à la religion. Nul doute qu'on trouve chez lui une forme d'anticléricalisme, mais qui rejoint ce que nous disions tout à l'heure de son rapport à la société. Flaubert se méfie des groupes. Je crois que c'est un individualiste forcené. Et de la même manière qu'il n'aime pas les écoles littéraires et qu'il n'apprécie pas qu'on veuille l'enrôler sous la bannière du réalisme, de même, il se méfie des groupes politiques, des clubs. Le club de l'intelligence est une sorte d'antiphrase quand on voit ce qui s'en passe, ce qui s'y passe, pardon. Et je crois que les églises lui inspirent tout autant de méfiance. Donc il pourrait être mystique pour lui-même, mais il ne souhaite pas s'inscrire dans l'église en tant que telle. Alors, en tout cas, il parle il utilise le vocabulaire de la mystique pour parler de son rapport à la création littéraire. Et il y a là parfois des dans son rapport à la nature. Alors, c'est pas parce qu'il se réclame d'une forme de mystique qu'il faut nécessairement penser qu'il croit en Dieu. Je n'irai pas jusque-là. Mais il y a plutôt, dans son rapport à la nature, dans la manière dont il approche le monde, un sens du mystère qui va justement à l'encontre de ce que l'on a parfois appelé, en faisant écho à ses propos, autolâtrie. C'est-à-dire la célébration par le bourgeois de lui-même, le bourgeois qui est un homme essentiellement plein de certitudes, de dogmes, dont l'univers est prodigieusement rétréci par un certain nombre de règles, de canons, à commencer par le bon sens rationaliste. Flaubert veut faire voler tout cela en éclats. Hein, le but du roman, pour lui, c'est de faire rêver devant une sorte de mystère des choses. C'est aussi de se moquer de ces personnages de bourgeois qui ont une religion qu'ils pratiquent de manière hypocrite. C'est le cas, par exemple, du père Rock dans L'éducation sentimentale, qui espère marier sa fille à Frédéric et qui, du coup, soudainement se met à fréquenter l'église parce que c'est ça qu'il faut faire. Oui, il débusque impitoyablement toutes les exploitations, les instrumentalisations du religieux à des fins de promotion sociale. Les tambours battaient la charge, des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas. Fasciné d'ailleurs et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. La troupe de ligne avait disparu, et les municipaux restaient seuls à défendre le poste. Un flot d'intrépides se rua sur le perron. Ils s'abattirent. D'autres survinrent, et la porte, ébranlée sous des coups de barre de fer, retentissait. Les municipaux ne cédaient pas. Mais une calèche bourrée de foin et qui brûlait comme une torche géante fut traînée contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille, un baril d'esprit de vin. Le feu monta le long des pierres. L'édifice se mit à fumer partout, comme une solfatare. Et de larges flammes, au sommet, entre les balustres de la terrasse, s'échappaient avec un bruit strident. Le premier étage du palais royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place, on tirait, les balles sifflaient. L'eau de la fontaine crevait, se mêlait au sang, faisait des flaques par terre. On glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent, en capote grise, couché la face dans le ruisseau. Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait. Cela faisait rire. Un extrait lu par Fanny Ardant de L'éducation sentimentale, où est décrite une scène de la Révolution de 1848 qui semble d'ailleurs beaucoup réjouir Frédéric Moreau. Qu'en retenez-vous, Pierre Glaude ? D'abord, sans doute, une allusion littéraire. La main de ce sergent sur laquelle Frédéric, fait écho certainement à une autre scène. La scène de Fabrice à Waterloo, qui découvre un détail un peu similaire lorsqu'il voit un cadavre sur le champ de bataille de Waterloo. Et il y a chez Flaubert, comme chez Stendhal, une sorte de phénoménologie de l'événement. C'est-à-dire que les choses sont décrites d'une manière morcelée, sans qu'elles prennent dans un ensemble qui fait sens. Elles sont décrites au gré des sensations qui les perçoivent. Et l'autre mot important du texte qui vient d'être lu par Fanny Ardant est le mot spectacle. C'est-à-dire que Frédéric est là comme devant un spectacle, comme un étranger qui assiste de l'extérieur à l'histoire dont il ne perçoit ni l'unité, parce qu'il n'y en a pas de visible, qu'il ne voit que de manière tout à fait morcelée, en jetant un regard de myope sur les choses. Et finalement, en fixant son attention sur des détails. Alors ces détails peuvent être horribles, comme celui de la main du sergent, mais cet ensemble de détails font un tableau de genre, mais ne font pas une grande scène historique telle qu'on en trouvait dans les romans. Est-ce que, vous employez le mot de phénoménologie, on a là un Flaubert qui est un Flaubert philosophe ? Oui, alors incontestablement, Flaubert est un écrivain philosophe. On sait, par exemple, la place, c'est un lettré, un grand lecteur, pour ne s'en tenir qu'à la philosophie, on sait le rôle qu'aura Spinoza, par exemple, sur son monisme fondamental et aussi ce sentiment de cette relation qu'il établit entre l'un et le tout, par exemple, cette relation de communion qui s'établit souvent, dont on a des signes, par exemple, quand dans les perceptions de Frédéric, il y a des moments où, très curieusement, il est en adéquation parfaite et éphémère avec le monde, à la racine même de la sensation, qui sont les moments d'ailleurs les plus poétiques du roman. C'est intéressant que vous utilisiez ce mot de sensation, parce que, et vous l'expliquez dans votre article, la politique, la révolution, ce sont des sensations, ce sont même des sentiments. Et c'est ça, je crois, que Flaubert essaie aussi de dire, à quel point ce qu'on considère comme étant des idées pures sont en réalité, selon lui, d'abord ce qui relève d'une forme de sentimentalisme. Oui, et alors, le sentimentalisme n'est pas exactement le sentiment pour Flaubert. Dans la mesure où ce mot sentimentalisme a un sens, et l'adjectif sentimental, l'épithète qu'on trouve dans le titre, a un sens péjoratif. Ce qu'on ignore trop souvent au XIXe siècle quand Flaubert l'emploie. Il n'était pas très content de son titre d'ailleurs. Non, il n'était pas content de son titre, il a essayé d'en trouver d'autres et finalement il avait songé in extremis, enfin trop tard même, après la publication à un titre qui aurait pu être, c'est dans une dédicace, Les fruits secs, ouais. Mais bon, il s'est arrêté à ce titre qui malgré tout est bon, me semble-t-il, mais dans Sentimental, il faut surtout entendre les bons et les grands sentiments qui, pour Flaubert, sont des sentiments faux. Mmh. Il y a une sorte de chez les révolutionnaires de 1848, une idée sentimentale qui voudrait que la révolution soit une sorte, une fois faite, soit le retour à une forme de plénitude, de fraternité, de règne de l'amour universel qui évacue tout conflit de classe et permet d'advenir à l'idéal républicain. Or, Flaubert se méfie de ce que la réalité peut avoir de têtu. Mmh. Et de la même manière, il se méfie, dans l'ordre sentimental, des constructions imaginaires de Frédéric. Gare aux effusions mystiques, semble nous dire Flaubert. Pierre Glaude, on va continuer de parler de l'éducation sentimentale avec vous, juste après la chronique d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues et en l'occurrence en compagnie du nouveau magazine littéraire avec vous, Olivier, Alexis Broca, pardon. Je vous en prie. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour Pierre. Pourquoi je vous appelle Olivier ? Vous venez nous parler des GAFA. Oui, je vais vous parler du GAFA en effet. Les GAFA, vous connaissez peut-être, ce sont ces grandes entreprises issues de la Silicon Valley qui ont émergé avec Internet. On dit même les GAFAM aujourd'hui. Alors on dit les GAFAM, il y a divers acronymes selon qu'on y ajoute Amazon, selon qu'on y ajoute divers jeunes pousses de la Silicon Valley. Voilà, exactement, divers jeunes pousses de la Silicon Valley. Mais bon, on a choisi l'acronyme le plus simple pour être le plus direct possible. Et voilà, ce sont ces entreprises qui ont émergé de la Silicon Valley avec Internet et qui ont fait, nous disent-elles, de nous des hommes augmentés. À les en croire, Google nous a apporté l'omniscience, Facebook nous a apporté l'ubiquité, Amazon nous a apporté le rêve consumériste d'un magasin infini où tout est accessible très vite de n'importe où. Et ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir un petit peu quelle pensée véhiculaient ces entreprises qui cultivent en fait une image juvénile, innocente, dont Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avec ses t-shirts et ses claquettes, est la vivante allégorie. Et on a donc demandé à plusieurs spécialistes qui sont des observateurs de ce secteur ou qui sont eux-mêmes d'ailleurs issus des GAFA de nous décrire ces pensées. Cette pensée, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça nous laisse songeurs. Donc c'est une pensée qui n'est pas tout à fait récente, comme on pourrait le croire. Oui, c'est une pensée qui a des racines anciennes. En effet, lorsqu'on regarde les citations que produisent les patrons de ces grandes entreprises, on remarque qu'ils se réfèrent toujours à une romancière qui est très méconnue chez nous, qui s'appelle Ayn Rand, et qui a en fait développé une pensée qui est férocement individualiste et libertaire. Une très bonne émission l'été dernier de Xavier Delaporte sur France Culture, oui, c'est un roman qu'on peut réécouter en podcast. Il y a une réédition chez Plon d'ailleurs d'un roman d'Ayn Rand, La Source Vive, si je me souviens bien. Et en fait, eux, les patrons de GAFA, ont ajouté à l'individualisme promu par Ayn Rand l'injonction technologique. Ils en ont fait une pensée libertarienne 2.0 en quelque sorte. Et ils ont aussi inventé un modèle économique qui va avec ça. C'est-à-dire que vous savez, lorsque vous consultez Google, vous avez l'impression d'avoir accès à un service gratuit. Vous posez une question à une sorte de répertoire gigantesque qui vous produit les réponses, les meilleures réponses, croyez-vous. En fait, ce sont simplement les réponses qui sont les plus adaptées à vous faire revenir sur Google, très souvent. Et en plus, Google, lorsque vous rentrez une recherche, capte quelque chose de vous. Il capte quelque chose de questions que vous vous posez. Et il crée donc comme ça de grands répertoires de données qu'il commercialise, pour en faire du marketing, voire pour faire des profils politiques. Enfin bon, lorsque vous utilisez ces services-là, vous, n'oubliez pas, le produit, c'est vous. Et cette pensée, elle s'accompagne par ailleurs d'une espèce de saturation de l'imaginaire public par la prophétie et par le spectaculaire. Vous avez par exemple des penseurs qui sont embauchés par Google ou Facebook, quelqu'un comme Raymond Kurzweil par exemple, qui vous annonce régulièrement que la singularité, c'est-à-dire l'ordinateur pensant, adviendra dans 10, 20, 30 ans, qui vous annonce l'immortalité pour 10, 20, 30 ans. Peu importe que les vrais spécialistes qui travaillent sur ces sujets-là vous disent que c'est impossible. Roger Penrose, le mathématicien, a démontré par exemple que la reproduction informatique d'une conscience était impossible. C'est pas grave, ces prophéties servent en fait à occuper le terrain de manière à faire croire aux gens qu'il n'existe qu'un seul avenir possible, qu'un seul grand rêve possible. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la littérature, c'est tout l'objet du nouveau magazine littéraire, que de lier des idées avec la littérature. Eh ben, la littérature, elle nous avait prévenu, Alexis. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la science-fiction, les romans de science-fiction qui ont été écrits dans les années 50, 60, 70, eh bien, on y voit notre présent en petits morceaux et on y retrouve notamment ces fameux GAFA, ces algorithmes, leurs algorithmes, leurs flux de données. Par exemple, on vous a récemment parlé de l'ordinateur AlphaGo Zero, qui est devenu un champion du jeu de Go en connaissant juste les règles du jeu de Go. À partir de là, l'ordinateur a émis des milliers de combinaisons qui ont fait de lui le champion du monde du jeu de Go. Et ben, en 1960, Philippe K. Dick imagine un ordinateur, ça se passe dans un roman qui s'appelle, je me souviens plus, Les Marteaux de Vulcain, voilà. Dans Les Marteaux de Vulcain, Philippe K. Dick invente un ordinateur dans lequel on rentre quelques principes historiques généraux et à partir desquels l'ordinateur déduit tout le futur de l'humanité. Ça, c'est pratique. Voilà, ce qui est très pratique. Vous avez aujourd'hui des sites de rencontres qui vous vendent des algorithmes puissants qui vous permettent de vous trouver le partenaire le plus adapté. Eh bien, le plus benoîtement du monde, René Barjavel, en 68, écrit La Nuit des Temps et raconte l'histoire d'une civilisation disparue qui s'appelle la civilisation de Gondawa, dans laquelle les gens sont appareillés, c'est merveilleux, par un ordinateur qui ne se trompe jamais. Un autre exemple que je trouve extrêmement spectaculaire, en 85, il y a un romancier américain qui s'appelle Oscon Scott Card, qui imagine que plus tard, bientôt, nous connecterons nos ordinateurs, que le fait de connecter nos ordinateurs nous permettra de parler entre nous. Que le fait de nous permettre de parler via ces ordinateurs permettra à des gens qui sont de simples citoyens de devenir des leaders d'opinion. Il imagine tout ça, 10 ans en fait, l'avènement d'Internet, dans un roman qui s'appelle La Stratégie Ender. Alors ce qu'il n'imagine pas, en revanche, il imagine que ce sont deux adolescents surdoués qui se font surnommer Locke et Démosthène, qui vont influencer le cours du monde. Il n'imagine pas bien sûr que c'est un trader d'extrême droite comme Steve Bannon et un milliardaire médiatique dont la coiffure est elle-même une prouesse technologique, qui vont devenir des leaders d'opinion grâce à Internet. Maintenant il faut laisser un petit peu de romanesque dans le roman quand Exactement, même. Exactement, le romanesque là et dans la réalité en quelque sorte. Merci beaucoup, merci Mathieu. Broca. À très bientôt. Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, à mi-parcours d'une émission consacrée à l'éducation sentimentale de Flaubert, mon invité, et Pierre Glaude, professeur à Paris 4. Ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose. Et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis, il se planta tout près de son ombrelle, posé contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Sans doute un des grands moments de bonheur dans la vie du personnage Frédéric Moreau quand il découvre cette apparition, c'est-à-dire Marie Arnoux. Ce mot d'ailleurs d'apparition vous fait réfléchir, Pierre Glaude, puisqu'il s'agit d'un vocabulaire qui est un vocabulaire religieux. Et de la même manière que le religieux, on l'a vu, investit, selon Flaubert, le champ politique, en tout cas le discours politique, il est aussi présent dans le champ amoureux, c'est cela ? Oui, dès cette scène initiale, hein, cette scène, c'est au tout début du livre, de la première rencontre sur la ville de Montreux, le navire, où ils se trouvent embarqués tous les deux. Et alors évidemment, c'est un texte très très célèbre. Et on voit bien, quand on écoute ce texte, que cette apparition a une sorte de force lumineuse. Hein, c'est quelque chose de sacré qui semble se produire, mais il ne faut pas oublier la modalisation de Flaubert. Ce fut comme une apparition. Il ne dit pas « ce fut une apparition », mais il dit bien « comme ». Mais qui dit ça ? C'est Flaubert ou c'est son personnage ? C'est le narrateur qui le dit. Et c'est bien justement là que se crée un décalage entre la perception naïve du personnage, qui est totalement ébloui, et celle du narrateur, qui est légèrement en décalage et qui, lui, ne veut pas faire oublier d'emblée à son lecteur tout ce qui peut séparer l'idéal qui est en train de naître et la réalité. Et justement, toute l'histoire du roman se joue dans cet écart. Donc le narrateur regarde un peu ironiquement son personnage. Oui. Il se dit, ce pauvre garçon prend Madame Arnoux pour une apparition, alors qu'en réalité, ça n'est qu'une femme comme les autres, ou peut-être un petit peu plus séduisante. C'est peut-être encore plus compliqué que cela, parce que ce qui est en jeu, c'est la question de l'idéal dans le roman. Alors évidemment, une manière de le comprendre, c'est que l'expérience de ce roman, c'est le naufrage de tout idéal. Et on aboutit à l'idée de rien dont on était parti tout à l'heure, dont on a parfois inféré l'idée d'un certain nihilisme de Flaubert. Aucun idéal ne résiste à l'expérience, y compris à l'expérience amoureuse, mais aussi à l'expérience politique. C'est toujours une expérience du désastre. Ça, c'est une compréhension du roman. Donc il n'y a pas d'espoir pour Flaubert, si on le lit de cette manière-là ? C'est la question qui se pose, c'est de savoir si il y a une forme d'éducation dans le roman, si quelque chose s'éduque. Et si cette éducation est exclusivement l'éducation du rien, ou l'éducation au rien. Ou à apprendre à vivre dans le rien et à vivre bien tout de même ? Alors, peut-être, en tout cas, un certain nombre de lectures vont dans ce sens. Mais il me semble qu'il faut quand même apercevoir que cette illusion qui naît à ce moment-là est une illusion heureuse. Et qu'elle est une véritable conversion pour Frédéric, hein, au sens de métanoïa, si vous voulez, de bouleversement de tout son être. Et que tout à coup, tout s'organise dans sa vie autour de ce foyer solaire qu'est Madame Arnoux. Et que, incontestablement, il y a dans cette relation qui certes ne résiste pas au temps, certes qui est soumise aux intermittences du cœur de Frédéric, qui certes n'a pas cette linéarité ascendante que pourrait avoir l'amour romantique, il n'en reste pas moins qu'il y a des moments de pur bonheur. Et de bonheur qui est sans doute aussi un bonheur de l'illusion et dans l'illusion. Donc le bonheur est dans les livres aussi ? Ben voilà, parce que c'est le problème du statut de l'illusion. La fiction aussi, c'est une illusion. Est-ce que ça n'est rien pour autant ? C'est la question du statut ontologique de l'illusion. Alors vous avez une interprétation nihiliste qui dit effectivement l'illusion conduit au rien, et le rien, c'est le néant, et il n'y a rien à espérer. Et c'est la dérision, c'est l'interprétation dérisoire de l'épisode de la Turque. Le meilleur de ce qu'ils ont eu dans la vie, c'est une histoire de... C'est un fiasco aussi, d'ailleurs. C'est le fiasco de ces deux jeunes gens, Des Lauriers et Frédéric, qui veulent aller au lupanar de la ville de nos gens pendant que tout le monde est à la messe, et qui n'osent pas aller jusqu'au bout parce qu'ils sont un peu effrayés par les prostituées. Mais il y a une autre lecture de cette scène, c'est que cet inaccomplissement de l'idéal le maintient intact. C'est-à-dire qu'elle n'insulte pas la part du rêve, que ne rien faire, l'abstention, chez Flaubert, n'est peut-être la meilleure éthique qui soit, et que un pas de plus nous conduirait peut-être à une légitimation de l'activité esthétique comme investissement de l'imaginaire, de l'illusion pure, et comme lieu véritablement où peut s'accomplir ce qui ne s'accomplit pas dans la réalité, c'est-à-dire l'idéal. Et en cela, la vie de Flaubert est donc une vie extrêmement réussie, puisque consacrée entièrement à son art, Pierre Glaude. C'est aussi une vie de souffrance, parce que ce qui me frappe chez Flaubert, si vous voulez, c'est l'antithèse complète qu'on pourrait faire entre lui et Stendhal, dont je parlais tout à l'heure. Je les rapprochais tous les deux. Mais leurs conceptions de la littérature sont aux antipodes l'une de l'autre. Parce que Stendhal ne sépare pas la littérature, l'amour et, je dirais, l'expérience de l'être. Et d'ailleurs, il écrit La Chartreuse de Parme en un nombre de jours qui relève de la vraie performance, hein, 80 jours je crois, quelques mois à peine, ce qui est incroyable. Là où il faudra à Flaubert plusieurs années, hein, il commence au début des années 60 et il publie son roman en 69, on voit bien. Hein, et pendant le temps où Stendhal écrit son roman, il fait mettre sur sa porte qu'il est à la chasse au bonheur. Oui. C'est donc bien que l'expérience de l'écriture est une expérience qui est une expérience du bonheur, qui n'est pas séparable de la conversation et de la séduction amoureuse telles que elles peuvent fleurir dans les salons. Chez Flaubert, au contraire, il faut faire retraite dans son gueuloir, ciseler les termes, les passer au laminoir pour aboutir à une perfection dans une sorte d'ascèse monastique où l'on retrouve une apologie de la solitude, mais qui coupe l'artiste de ses activités de séduction, de salon, de conversation, qui faisait aussi les plaisirs de la littérature pour Stendhal. Sur France Culture. Alors Pierre Glaude, évidemment, dans l'éducation sentimentale, il y a beaucoup de femmes. On a parlé d'un certain nombre d'entre elles. Donc trois principales, hein, Madame Arnoux, Rosanette Bron, Madame d'Ambreuse. Mais il y a toujours cette idée que, au fond, chacune d'entre elles possède une partie de ce qu'il faudrait au narrateur, mais il ne peut pas se décider réellement à faire un choix pour l'une ou l'autre d'entre elles, et finalement toutes ces femmes au fur et à mesure lui échappent. Je raconte ça de manière très caricaturale. Quel est le rapport finalement à l'amour qu'on peut lire dans l'éducation sentimentale, et en particulier peut-être à travers le personnage de Frédéric? Là encore, Flaubert a voulu sortir d'un schéma narratif classique qui est le mari, la femme, l'amant. C'est le trio que l'on a dans le roman. On a Monsieur, Madame Arnoux, Frédéric. Mais il a voulu compliquer ce schéma en multipliant les figures féminines. Et d'une certaine manière, chacune représente un aspect de l'amour. Rosanette représente son aspect sensuel. Madame d'Ambreuse représente plutôt son aspect social et la satisfaction de vanité que peut représenter sa conquête. Ces formes de l'amour viennent parasiter le grand amour de Frédéric et, d'une certaine manière, contribuent à la déconstruction du romanesque traditionnel du grand amour. Mmh. Hein, Flaubert s'ingénie à faire jouer ses amours l'un contre l'autre, puisque Frédéric est incapable, bien qu'il revienne toujours à elle, parce qu'il y a là un paradoxe, hein, la plus sainte, celle qu'il a toujours aimée, et celle finalement vers laquelle il revient toujours, c'est Madame Arnoux. Mmh. Mais aussi, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de Tristan, dans son amour pour Iseu, ça n'est pas une fidélité rectiligne, mais ce sont des intermittences avec une sorte d'entremêlement très curieux de ce grand amour, avec des compensations très ordinaires qui viennent d'une certaine manière en brouiller la lisibilité. Mais il n'y a pas... On sait bien qu'il n'y a pas de morale, car Flaubert déteste la morale, mais il n'y a pas non plus de conclusion à tirer, en particulier sur le fait que finalement Frédéric Moreau se retrouve sans amour pour les avoir poursuivis un peu toutes. Non, je ne pense pas qu'il faille porter un jugement moral et dire que finalement ce serait la moralité de Frédéric, l'immoralité de Frédéric, son inconstance, qui serait la cause de son échec. Je pense plutôt que pour Flaubert, la passion, il y a une sorte de mise en cause de la passion, de ses potentialités, de ses pouvoirs. On en a fini avec l'idée, la valorisation romantique de la passion. Enfin, en tout cas, il y a l'idée d'amour qui sont à chaque fois un peu fantomatiques, qui sont des rêves qu'on ne peut réellement jamais atteindre complètement, Pierre Glaude. Oui, à chaque fois, Frédéric, sans doute, poursuit-il quelque chose, l'accomplissement de quelque chose qui est hors de sa portée et dont l'essence est de rester hors de portée. Et peut-être que si apprentissage il y a, et encore une fois, il faut être extrêmement prudent avec cette idée, puisque les interprètes du roman ne sont absolument pas d'accord sur ce point entre eux, mais si apprentissage il y a, c'est peut-être celui qui consisterait, de ce point de vue, à considérer que l'idéal, et l'amour en est un, ne peut être qu'une tension vers quelque chose d'inaccessible, dont l'essence est de rester hors de portée. On peut peut-être dire un mot aussi des amis, puisqu'on a parlé des amours, mais les amis sont particulièrement intéressants. Ils sont d'ailleurs rarement réellement des adjuvants pour le personnage de Frédéric, ses amis. Mais là aussi, c'est quelque chose de très surprenant et d'assez complexe, parce que, vous l'avez remarqué, la chose qui dure, c'est l'amitié, pas l'amour. Hein, les personnages qui se retrouvent à la fin, ce sont Frédéric et Deslauriers. Donc les amis d'enfance. Les amis d'enfance qui restent amis. Et Flaubert, expliquer cette constance, invoque la nature, leur nature. C'est un effet de leur nature, ce qui est assez mystérieux et assez curieux. Parce que, si on y réfléchit bien, ces deux-là n'ont cessé de se trahir. Mmh. Et leur amitié, et là, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure à propos de Bourdieu, peut-être que Flaubert a-t-il senti quelque chose de fondamental dans la sociologie des temps démocratiques, qui est que l'une des passions des temps démocratiques, c'est l'envie. C'est-à-dire que, en période d'égalitarisme, où il ne faut pas qu'une tête dépasse les autres, on est conduit, jusqu'à y compris au cœur même des relations amicales, à s'envier dès lors que l'un risque de s'élever plus haut que l'autre. Mais en un mot, l'amitié résiste quand même, malgré tout. Oui, parce qu'au fond, leurs vies sont ratées, à l'un et à l'autre. Merci beaucoup, Pierre Glaude. Je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Relire l'éducation sentimentale 2017 aux éditions Classique Garnier. Vous avez également dirigé C'est autre chose, Barbé d'Orivilly et L'âge classique, ouvrage collectif paru également chez le même éditeur en janvier dernier. Demain, nous continuons de parler de Flaubert, on parlera de Madame Bovary et de Bouvard et Pécuchet, ce sera avec le professeur Yvan Leclerc. Mais tout de suite sur France Culture, on trouve la poésie avec Jacques Bonnafé. Bonjour la compagnie des auteurs, bonjour. On était avec Dominique Kellen et c'était bien, revers. Et puis Guy Vic est passé avec Ubu Médite. Je reste un instant sur ce gros oiseau d'Eugène. Ouvrir, c'est le nom de ce livre de Guy Vic. Pour quelques mots de la chanson d'Antonin Blond, écrit avec Elsa Triolet en 1948. Hein, mais vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'Antonin Blond. C'était un de ces innombrables évadés d'Allemagne qui, au retour, n'ont plus trouvé grand-chose de leur passé. Antonin Blond, lui, n'a plus rien retrouvé du tout. Une bombe passée par là avait fait place nette, table rase. Tout ce qui était, aurait pu continuer à être sa vie, est en miettes. Antonin Blond est seul, sauvagement. Chanson d'Antonin Blond. Du feu, monsieur, du feu, s'il vous plaît, rien qu'un peu de feu. Vous n'allez pas me laisser sans feu, monsieur, sans feu dans cette rue où il n'y a que vous, monsieur, dans cette maudite rue. On comprend qu'Antonin est donc sans feu ni lieu. On a cherché, oh, pour ça on a cherché. Ce n'est pas faute d'avoir cherché qu'on n'a pas trouvé. Et si on s'assoit pour boire un verre sur l'autre verre, ce n'est pas qu'on pense à ne plus chercher. Celui qui ne cherche plus ne boit pas non plus. Adieu sur lui. On dirait, ma parole, qu'on est enfermé et pourtant on fait bien ce qu'on veut, ou à peu près. Alors enfermé, mais par qui, mon Dieu ? Mais monsieur, le feu que je vous demande, le feu, monsieur, c'était pour moi, pour nous, monsieur. Je n'ai pas frappé, jamais personne. Si je commence sur celui-ci, sur celui-là, quand est-ce que je m'arrêterai ? À la fin du poème, le soleil aujourd'hui, je me le suis donné. J'en ai mis plein mes poches et dans d'autres endroits où mes mains ne vont pas. Je peux escalader ce qui me séparait, je peux montrer aux gens commençait la lumière. On aurait à feuilleter avec Eugène Guy Vic, lire, fredonner, ouvrir ce livre et bourré de pages inédites d'hommage aux poètes Baudelaire, Adonis, Éluard, Elsa Triolet, aux peintres. Nous, c'est à Kellen, Dominique Kellen, que va notre coup de plume ou ramage pour son chapitre « Oiseau dans revers ». Le défaut d'un mot mal écrit. Oiseau, objet, est-ce mieux, dit-on ainsi, d'où atteindre une exactitude façon livre ou très vaguement flou ? On est à un cheveu de ton crâne, une oreille écoute pour entendre. Que dit ce que tu fais ? Vas-y, indique les voies à suivre autre part. La chose lue ou à lire, la chose qui est autre, que tu y vois ou que moi j'y vois, écris-tu par ici ce que tu as dit pour lire, oreille et œil sur ton crâne ? Idée à présent floue, idée dont très peu à la façon sensible d'une idée me va. D'un mot est dit le sens, c'est le mot oiseau. Je suis le mot oie, tuez-le. Vous voyez comme c'est étrange. C'est évidemment l'esprit qui pourrait volter dans ces phrases, sauf que oiseau ne s'arrête pas à ce premier état. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de Dominique Kellen.